بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence ou tolérance avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. Quatrième leçon. Inna alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ahli wa sallam. Tasliman kathiran, amma ba'd. Awalan tanbih fi shay, sur un hadith que j'ai traduit dans l'avant-dernier cours, sur lorsqu'on a pris la partie de l'ita'arafu. On a pris la raison, c'était de connaître la lignée. J'avais cité un hadith d'Abi Huraira et j'ai fait une erreur dans la traduction. C'est le hadith où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum, fa inna silat ar-rahim mahabba fil ahl wa musarat fil mal wa munsiyat fil athar. Et dans munsiyat al athar, j'avais dit que c'était des traces dans l'histoire. En fait, non, c'est en fait cela augmente le temps de durée de vie. C'est une cause, d'accord, dans le durée de vie. Allez, apprenez votre lignée, car le fait d'entretenir les liens de parenté, cela est une cause d'amour dans la famille. Cela également amène au risque et également augmente ou allonge le temps de durée de vie. Donc à corriger, à rectifier. طيب في الدرس الاخير ماذا اخذنا؟ اخذنا ردا على شبهتين sur deux ambiguïtés. التعاون التعاون و المحبة أيوة. Le fait de s'entraider avec eux et le fait de les aimer. طيب التعاون يكون في ماذا؟ في حدود الله. نعم. وجاء آية توضح هذا تماما. ما هذه؟ تعاون على البر والتقوى. أيوة. في السلام يتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. ولا تجوا قوما. هذه فقط هذه الفقرة من الآية juste ce partie du verset وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا que le تعاون il est dans quoi? Dans le bir et cela n'est pas présent chez les koufars. Et nous avions dit qu'ils ne font pas tous autant de mal les uns que les autres, mais sont tous des koufars. طيب سؤال demain t'as une action de bienfaisance faite par les koufars, distribuer à manger aux pauvres. Tu participes ? Non. Ta'awanu al-birr wa taqwa. Non, c'est ala yaqa alayhi. Hmm. Ala da'wati. De ma problème, les questionnent leur chose. Comment s'appelle le mas muhada? L'organisme de l'abbé Pierre. Emmaüs. Donc, Emmaüs, la fondation Emmaüs, lance un projet de bienfaisance et distribue de la nourriture aux pauvres. Tu participes avec eux ? Non. Tu ne les aides pas ? Distribue des vêtements aux pauvres. Non, faut pas. Pourquoi ? Parce que ça va dans leur massa, à dire à eux. Ça va tirer les gens vers eux. Et tu participes, c'est comme si tu cautionnais ce qu'ils faisaient. Et ils vont appeler les gens au bar, t'es. Déjà, il faut voir la nourriture qu'ils distribuent, parce qu'il y a le halal, d'une part. Et les vêtements aussi. Il faut qu'ils vont distribuer des kamis. Il faut qu'ils vont distribuer des jilbab. Non, c'est des vêtements de koufar. Donc ça, c'est pas le birr wa taqwa, ça. Si, ils font. Ils ont les trucs avec comme une espèce de poubelle dans les églises. Quand tu as des vêtements usagés que tu veux plus mettre, tu les mets dedans. Et après, ils les distribuent Ouais, après, je les mets tous pareils dans la masala. Je les mets tous au même rang, tu vois. Il y a des différences, il y a des furouk, non, il y a des firak chez eux. Mais là, je parle dans le contexte général de mes clients qui font une action appelée de bienfaisance chez eux. Donc, مثل هذه الاجتماعات ما ينبغي. Mais si tu y vas, pour inkar le munkar, pour les appeler à l'islam. طيب. والمحبة كنا المحبة الشرعية ما يجوز موالاة الكفار. كي on a pas droit d'aimer les kuffars. أما المحبة الطبيعية naturelle, l'amour naturel, ça c'est un autre bête. Nous avons dit que ça c'est un truc qui est présent chez tous les hommes, même chez les animaux. نعم. طيب. اليوم يرد على شبهات أخرى. C'est une autre ambiguïté qui est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en relation كان يتواصل مع أتباع الديانات الأخرى يعني qu'il était il entretenait des échanges et des relations avec les gens des autres religions. D'accord ? التعامل c'est on va dire échange. S'il y a un autre mot plus approprié, plus adéquat, moi je connais مثلا تتعامل مع فلان des échanges avec lui, des contacts avec lui. مثلا التعامل التجاري c'est des transactions مثلا commerciales. طيب التواصل c'est entretenir des liens. On التواصل c'est rester en contact comme on dit مثلا التواصل inchallah. C'est rester en contact. Donc هذا كلام فيه نظر. Car il est connu que les relations que le prophète Mohammed a entretenues avec les kuffars, c'était un but de da'wa. Et non pas de paix et de cohabitation et ce genre de choses. C'était une forme, c'était un moyen employé pour appeler les gens à l'islam. D'accord ? Si l'islam était en force, il combattait. Et si ce n'est pas la même situation, alors il y a des relations qui amenaient à ce qu'il n'y ait pas de nuisance qui venait contre les musulmans, en attendant que l'occasion se présente. Non pas par respect, par amour pour eux, juste par, il y a un sur le moment, car les musulmans n'étaient pas assez nombreux, n'étaient pas assez forts, donc on faisait des accords, pour que chacun trouve du sien, sans pour autant faire des concessions en religion, ni montrer de l'amour aux autres. Et ça s'appelle une stratégie. C'est une stratégie. Et non pas, hein, comme on le fait laisser entendre, que c'est genre comme une forme de chose normale, que tu vis avec eux, donc tu fais des relations avec eux. Non, il y avait un but derrière. Et ce n'était pas continu non plus. C'était temporaire. Pour une raison particulière, un moment particulier. Ah mais après ça, ça a changé. Les choses ont changé comme cela va venir. Donc ceux qui disent ça, ce sont des menteurs. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en contact avec le koufar dans cette vision des choses qui est de rester en paix et d'avoir des liens avec eux soudés en quelque sorte. Genre tu es là, je suis là, on se respecte et on vit ensemble. Non, ce n'était pas ça. D'accord, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kadhaba alayya fa yatabawwa maq'adahu min an-nar. Que celui qui ment sur moi, qui prépare son siège dans le feu. Donc Allah sallallahu alayhi wa sallam, إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Une autre version qui dit que le mensonge sur moi n'est pas comme le mensonge sur autrui et que celui qui ment sur moi volontairement alors qu'il prépare son siège dans le feu. Vous avez bien dit volontairement parce que des fois tu peux en arabe kadhib se traduit par mensonge, naam, mais kadhib peut venir en fait c'est un khabar. C'est une information qui contredit la réalité. Donc le kadhib peut venir également involontairement, hein, par inadvertance. Alors qu'en français, un mensonge, c'est forcément délibéré. Quand tu as menti, d'accord, c'est que tu as fait exprès. Mais en arabe, ça peut venir dans l'autre sens. Même dans la langue des gens de Aïwa, chez les gens du Hijaz, kadhib, mana khata, kadhalik. Ah, mais par exemple, nous, chez nous, le mensonge purement, on dira, comme en arabe, c'est burtan. Le bohtan, c'est vraiment mensonge délibéré. Ou l'iftira, taftarid, il t'invente. Tu forges des mensonges. Donc, de là que les gens craignent Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils appellent les gens à leurs idéologies, qui ne voient pas ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car la conséquence, les représailles en sont très graves. Elles sont très graves. De mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faire attention, tu crois son hadith et tu le tournes dans ton sens, qui plus est volontairement, cela est très très grave. Tayyib. Donc, parmi les choses justement qui, les hadiths les plus simples, les plus connus, les plus clairs, qui démontrent le faux de leurs paroles, c'est tout simplement le hadith d'Ibn Omar. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu as-salat wa yutu zakat wa in fa'alu zalika 'asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa fi haqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Le hadith muttafaqun alayh. Nous l'avons cité hier, ce hadith, qui j'ai été ordonné de combattre les gens, c'est-à-dire les mouchriquins. Quand on dit les gens, ce n'est pas tout le monde, c'est les koufars, bien entendu. Puisqu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager, et qu'ils accomplissent sa salat, et s'acquittent de la zakat. Et s'ils font cela, ils seront épargnés de moi, dans leur sang et dans leur bien, hormis dans les droits de l'islam, car leur contre vient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de là on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels furent ses échanges avec eux? Le djihad. Le djihad. Seulement au moment où il pouvait le faire. Des moments où il ne pouvait pas le faire. Vous voyez? Donc à ce moment-là, tu ne peux pas, tu fais une stratégie. Tu attends. Donc tu fermes les barrières pour ne pas qu'on puisse te nuire. Ça c'est quoi? Mudara, comme on dit, il faut te rappeler. Mudara. On l'a traduit par diplomatie, mais c'est pas vraiment le mot. C'est-à-dire, en fait, tu fais en chose, tu fais en sorte qu'il n'y ait pas un mal qui te revienne. Sans pour autant te faire des concessions en religion. Tu te rappelles? Ça c'est Mudara. Quand tu es avec ton ennemi, tu n'es pas encore en mesure. Tu vois? Demain, tu es face à un ennemi. Tu n'es pas en mesure de le combattre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'attaquer? Tu prépares. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte qu'il ne puisse t'atteindre. Tu mets une barrière. Tu fais un accord de paix avec lui. Accord de paix. Ça ne veut pas dire accord d'amour, ou de fraternité, ou d'échange. Juste, on se met d'accord sur des points que toi, tu ne me nuis pas, et moi, je ne te nuis pas. Sans que pour autant, je délaisse les choses de ma religion. Parce que, faut pas croire, ton ennemi aussi te craint en face. Hudaybiyah, mathalan. Aïwa. Qui n'ont pas fait le Hajj, mais qui l'auront porté. Est-ce que c'est pour toi le Hajj, on ne fait plus le Hajj, c'est fini? Non. Cette année, on ne le fait pas. On se fait d'accord. Par rapport à ces gens-là, on fait un accord. Ça veut dire qu'on ne le fera jamais? Non, on le fera, Inch'Allah, mais à un autre moment. Par exemple, ce qu'on a fait à Damaj avec eux la première fois, c'était un accord. Après le premier Hissar. Hein? Sulh, ça c'est une conciliation. Mais il y avait des accords, il y avait des conditions. Est-ce que pour autant qu'on est devenu copain avec eux? On n'est pas devenu copain avec eux. Est-ce que pour autant après Shir, ils parlaient plus sur eux? Ils parlaient sur eux encore, sur le mal qu'ils faisaient. Seulement, nous on ne vient pas chez vous. Dans votre domaine, on ne fait pas ci, ceci, cela. Tout comme vous, ne venez pas chez nous. On ne fait pas ci, ceci, cela. Et que le premier qui rompt le pacte, c'est la guerre. Est-ce que pour autant il s'est mis à dire, on les respecte, ils nous respectent, on fait des échanges, on s'appelle par téléphone, on se visite, on s'assoit ensemble, on mange ensemble. On a fait ça? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, avec les koufars, il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Tout est faux, c'est assis avec eux, c'est pour mettre un accord. Ou pour les appeler à l'islam. Pas comme ça, pour sympathiser. Une rencontre amicale, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ou un débat ouvert, comme ça on discute, il n'y a pas. Si on se rend compte, c'est pour une raison particulière. Un accord de paix. Que tu ne me nuis pas, je ne te nuis pas. Yanni, pour l'instant. Parenthèse. Parce qu'ils savent très bien qu'eux-mêmes vont rompre leur pacte. Ils le savent. Donc qu'est-ce qui se passe en attendant? Il y a un pacte qui se fait de paix. Est-ce que le prophète sallam n'appelle pas l'islam en attendant? Il appelle l'islam. Juste, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat entre nous. Mais moi, je ne me tais pas. J'appelle Allah, ilaha illallah. Donc les gens, ils rentrent en l'islam. Ils se convertissent. Et le nombre s'accumule. On est nombreux. Et maintenant, on est bien nombreux. Il n'y a plus de pacte, c'est fini. Tu nous laisses rentrer. Et eux, ils voient ça. Ils voient que les gens rentrent en islam. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur. Donc, ils font quoi? Souvent, ils trahissent et ils rompent le pacte avant. Parce qu'ils voient que le nombre devient grand devant eux. Leur ennemi, ça, tu vois, ça grandit. Donc, ils ont peur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rompre le pacte directement. Pourquoi en France, toutes ces lois, ils les font là? Parce qu'ils voient que les gens se convertissent. Plein de djibab dans la rue. T'en voyais autant de djibab dans la rue avant en France? Enfin, on n'est plus en France alors que tu l'es, mais je veux dire de ce que tu entends aujourd'hui. On entendait ça en France avant. Mais pas tout ça. Quand j'étais petit, je me rappelle, je voyais même pas un djibab, je ne même pas avoir vu un djibab dans ma vie. Aujourd'hui, c'est dans les rues, machallah, il y en a plein. Des frères en camis sont en barre, il y en a plein. Il n'y avait pas ça avant. Pourquoi? Parce que les gens entrent en islam. Tu vois, en quantité. Donc eux, ça leur fait peur. Est-ce que les frères en France, ils leur font la guerre? Non, ils font pas la guerre. Mais ils appellent l'islam, les gens. Vous voyez? Et un jour, ils sont très nombreux. Ce qui fera que les koufars sont contraints d'accepter ce qu'eux, ils veulent comme exigence. Et ils ont peur de ça. Ils font quoi? Ils mettent des barrières. Pas de voile dans l'école. Pas dans la voie publique. Pas de ceci, pas de cela. Tu vois? Pour pousser les gens. À la télévision, propagande anti-islam, pour faire peur aux gens. 11 septembre, Charlie Hebdo, et Kaza, et Kaza, et Kaza. L'Irak, Daesh, hein, SOS femmes battues musulmanes, hein, ni machin ni soumise, hein, de quoi? Non, mais quand ils parlent de trucs par rapport aux polémiques des femmes battues, ils mettent qui en premier? Les femmes de l'islam. Maintenant, par exemple, les Syriens qui débarquent en France, regarde, ils vont à l'église, ils se convertissent au christianisme, naam, continue à faire ta pub, continue. Qui c'est qui les accueille? C'est la paroisse de l'abbé Foulaine, et l'abbé Foulaine et le père Bernard et le père Bertrand qui accueillent les Syriens dans leur église, alors que les musulmans ils sont là, ils les rejettent, ils les refoulent. L'Arabie Saoudite les rejette, les Émirats les rejettent, alors que c'est même pas vrai en plus. L'Arabie Saoudite ils en ont accueilli plein chez eux. Plein ils en ont accueilli chez eux. Seulement l'Arabie Saoudite c'est un pays qui a Aqil. Après c'est la porte ouverte, tout le monde débarque. Et nous on n'est pas les Saoudiens, c'est pas comme la France. Tu viens, viens, viens, on t'accueille. Non! Nous c'est un pays qui est préservé. C'est Hududullah, c'est la Sharia. Autant qu'ils peuvent. Celui qui fait le façade, il sort. Alors que la France, il faut croire qu'ils accueillent tout le monde, droit des pays, droit de l'homme. Donc venez, venez, venez, venez. Parce qu'au jour où ça se plaint. Il y a trop d'immigrés, il y a trop de noirs, il y a trop d'arabes, il y a trop d'étrangers. Voilà. Il n'y a pas ça en Saoudi. Ils sont clairs. Aslim to slim. Tu veux pas? Rentre chez toi. Ou alors, t'es quelqu'un, on a besoin. Un ingénieur, un architecte, comme ça. Sinon, il n'y a pas. Et Mecca, le haram, tu rentres pas. Tu rentres pas. Ça, c'est. Inch'Allah. Tu rentres pas. Amen. Donc, fais attention à ça. Non. Tayyib. Donc, nous avons dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que furent ces échanges avec lui? Jihad. Soit apparent, par les armes, par le combat, ou soit par la da'wah. Soit par la da'wah. Il est combattu autant qu'il pouvait. Ce n'était pas par les armes, c'était par les paroles. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ô toi le prophète, combat les mécréants et les hypocrites, et sois dur, sois rude envers eux. D'accord? Leur refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Regarde l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète. Jahidil kuffar. Ensuite, qu'est-ce qui est venu? L'histoire de Abu Sufyan, radiallahu anhu, avant qu'il ne se convertisse à l'islam, parce qu'il est parti voir Hiracle, le chef des Abyssins de Rome. Parti les voir. Il lui a dit quoi, Hiracle? Il lui a dit, mets-toi devant moi. Et derrière, c'est Ashab, traducteur. Il leur a dit, s'il ment, vous le démentez. Après, il a posé des questions à Abu Sofiane par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Que je retrouve. Tayyib. Mima qal, hel qale hazal qol minkum ahadun qat qablahu. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà dit ces paroles-là, tenu de tels propos, auparavant, avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Abu Sofiane, il a dit, la. Après, il a dit, فَهَلْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مُلْكِ. Est-ce que parmi ses pères, ses ancêtres, certains avaient un royaume? Abu Sufyan قال لا. قال فَأَشْرَفُ النَّاسِ يَتْبَعُونَهُ أَمْ دُعَفَاؤُهُمْ. Est-ce que ce sont les plus nobles qui les suivent? Les faibles. Abu Sufyan قال بل دعفاؤهم, les faibles qui les suivent. ثم قال أيزيدون أم ينقصون, est-ce qu'ils se multiplient, sont plus nombreux, ou est-ce qu'ils réduisent, leur nombre réduit? Il a dit بل يزيدون, ils augmentent. Comme en France, ils augmentent. Et c'est ceux qui se convertissent souvent, c'est des du'afa aussi, les petits jeunes. Souvent les gens de quartier ou les fils, les gens jeunes, souvent. Tu vois, qu'on porte toute situation ou quoi. Souvent. Donc tu vois, ça se ressemble. Masha'Allah. Après, il dit هل يرتاد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. Est-ce qu'il y en a qui apostasient par mécontentement envers sa religion après y être rentré? Il dit non. Alors qu'aujourd'hui, certains, malheureusement, oui. Il y a plein qui apostasient. Quand je dis plein, disons qu'à la base de leur cœur, il y avait un problème. Parce qu'ils rentrent en islam pour une cause, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ils sortent de l'islam. Là, on parle des gens qui sont moukhlis. Quand quelqu'un rentre dans l'islam en ikhlas, il n'y a pas de ridda. Celui qui y a le tête, c'est que dans son cœur, il y a une chose. Que Allah n'est pas injuste envers les serviteurs. Si quelqu'un apostasie en islam, c'est qu'il y a un truc dans son cœur à la base. Comme dans le hadith, فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَيَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُوا عَلِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلْ بِعَمَلْ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Que des gens parmi vous font les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce que le livre le rattrape, c'est-à-dire le qadar, le destin, puis il se met à faire des œuvres des gens de l'enfer et il y entre. Ça, c'était quoi ces gens-là? Les ulama, ils disent, c'est les gens qui avaient dans leur cœur un problème. C'est-à-dire, en apparent, ils faisaient des actes des gens du bien, mais dans leur cœur, ils avaient des pensées des gens du mal. Donc ensuite, il poursuit en disant, هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. Est-ce que vous l'accusez de mensonge avant qu'il ne dise ce qu'il dit actuellement? Ils ont dit non. Ma'alouf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chez les Quraysh, était connu comme étant l'Amin, même avant l'islam. Également, il dit فهل قتلتموه قلت نعم, l'avez-vous combattu? Il dit oui. فكيف كان قتالكم إياه, comment cela s'est-il passé? Comment l'avez-vous combattu? Hein? Comment l'avez-vous combattu? قلت الحرب بيننا وبينه رجال ينال منا وينال منه. Donc il dit les guerres entre nous c'était tantôt. Parfois nous avions le dessus et parfois c'est lui qui avait le dessus. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فقال وماذا يأمركم, encore qu'est-ce qu'il vous ordonne? قلت يقول اعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. Donc il dit nous ordonne quoi? Adorez Allah seul et ne lui associez rien. Délaissez ce que disent vos pères, c'est-à-dire les choses de la jahiliya. Et il nous ordonne de faire la salat, de s'acquitter de la zakat, d'être véridique, d'être chaste et de se suffire à soi-même, et l'entretien des liens de parenté. Entretien des liens de parenté. Donc regarde ce qu'Abu Sufyan, radhiyallahu anhu, disait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam. À quoi il les appelle? À discuter? À l'amour? À la fraternité? D'adorer Allah seul? Et de délaisser ce que disent leurs pères, c'est-à-dire comme Jahiliya. Hein? Et de faire la salat. De s'acquitter de la zakat. D'être véridique dans les paroles. De ne pas mentir. D'être chaste. Hein? Et de se suffire à soi-même. Et également, les liens de parenté. Est-ce qu'aujourd'hui les gens qui appellent au débat ouvert avec les koufars leur disent cela? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc regarde, même quand ils parlent avec eux, les koufars, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, attendent de nous telle chose, on le sait. Il nous l'a dit. Il n'y a pas eu genre des illusions ou genre des choses fausses. On s'imagine des choses. Non, il était clair avec nous. On accepte, on n'accepte pas. En tout cas, il a toujours été clair avec nous. Faites ceci, ne faites pas cela. Hein? Ensuite, justement, Hirak l'explique. Pourquoi toutes ces questions-là? Quand il a dit, par exemple, est-ce que des gens avant lui avaient tenu le même discours? Il a dit non. Donc il dit, seuls les prophètes viennent avec ce genre de discours. Est-ce que parmi ses pères, ses ancêtres, certains avaient des royaumes? Tu as dit non. Car si tu avais dit oui, j'aurais dit que cet homme-là est venu pour récupérer un royaume de ses pères. Est-ce que cet homme, ses suiveurs sont les faibles ou les riches qui le suivent? Tu as dit les faibles. Car il est connu que les prophètes, ceux qui les suivent, sont les faibles. est-ce que leur monte, leur nombre augmente ou diminue? Tu as dit qu'ils augmentent. Ça, c'est la darwah des prophètes. Ils ne font qu'augmenter. Est-ce que des gens apostasient après avoir entendu le message? Tu as dit non. Et cela est le signe de la sincérité. Que leur message, il est clair. D'accord? Tout cela. Pour arriver à dire, cet homme-là, je sais qui il est. C'est un messager. Mais je ne pensais pas qu'il allait venir de vous, c'est-à-dire les Arabes. Et que cet homme-là, si tout ce que tu me dis sur lui est vrai, il va dominer le sol sur lequel je suis actuellement. Donc regarde Hirak, Aqil, à l'époque. Un kafir, malgré ça, il a compris. Il a compris que Mohammed, il va venir, il va dominer, parce que c'est un prophète, c'est Allah qui l'a envoyé. Est-ce que les koufars aujourd'hui, ils disent ça? Non, c'est un pédophile, c'est un barbare, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un ceci, cela. Regarde, l'un des plus grands empereurs de l'époque, qu'est-ce qu'il a dit? Il va venir et il va dominer là où je suis actuellement. Il a compris. Pourquoi? Parce que le message, il est passé clairement qui il est. Aujourd'hui, on fait croire. Mohamed, s'il avait été à notre époque, il aurait pris le Concorde, il serait en costard cravate, il appellerait à la démocratie. Naam, vas-y, continue. Continue. Il prépare ton siège dans le feu. Comme le hadith, il est venu pour tes paroles. Ce que tu mérites à la base. Tu vois un peu? Même à l'époque, les koufars, les Quraysh, il disait clairement ce qu'il dit. Il dit ça. Le message, il est passé. T'acceptes, t'acceptes pas. Il n'y a pas de talbis, de dajl, comme on dit. Aujourd'hui, les gens qui font ça, c'est des jajila, comme on dit. Ce sont des jajila. Des jajila, c'est le pluriel de dajjal. Dajjal, c'est lui qui ment, qui change les choses, qui rentre le vrai que le faux. On regarde la différence qu'il y a. Et d'ailleurs, il y a un hadith justement de Huzaifa qui dit Anna munafiqin, c'est Charles Sam de Taimiyah qui le rapporte dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, hadith, un affar de Huzaifa, où il dit Al munafiquna fi zamanikum sharrun min munafiqina fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lianna al-munafiqin sharrun, tu peux dire char ou ashar, tu peux mettre le hamza, tu peux l'enlever. C'est un ism tafdil. Comme khayr, tu peux dire akhir, tu peux dire khayr. Lianna al-munafiqin fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kanu yukhfuna kufrahum, nifaqahum. Amalium yuzhirunahum. Fahimt? Que les munafiqoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient moins dangereux et moins graves que ceux d'aujourd'hui, de votre époque. Et Huzaifa a dit ça à quelle époque? À l'époque des tabi'in. Que dire d'aujourd'hui? Que dire d'aujourd'hui? À l'époque des tabi'in. Hein? Il a dit son pire. Pourquoi? Parce que ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam cachaient leur nifaq, leur hypocrisie, la cachaient. Ils avaient peur. Alors qu'aujourd'hui, ils extériorisent. Ils disent clairement ce qu'ils ont à dire. Alors que dire d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est ce qu'on appelle la zindik aujourd'hui. Zindik, c'est le munafiq qui fait apparaître le nifaq ouvertement. Également, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, lorsqu'il a envoyé du courrier, c'était à qui? Au gouverneur de Basra. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé une lettre. Là, c'est Al-Hirak qu'il a écrit. Il a dit quoi? Bismillahir Rahmanir Rahim min Muhammad Abdullah wa Rasulih ila Hirak Azim Rum. Salam ala man ittaba'a al-huda. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'ayat al-Islam aslim tuslim. Yu'tika Allahu ajraka maratayn. Fa in tawallayt fa ma qala qul ya ahli al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum la na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ويتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون. Donc qu'est-ce qu'il a écrit au chef des Romains? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de Mohammed, serviteur d'Allah et son messager, à Héracle, c'est-à-dire c'est Héraclus, chef des Romains, de Rome, des Abyssins à l'époque. La paix sur qui celui-là guidé, déjà. La paix pour qui celui-là guidé. Tu la suis, elle est pour toi. Tu la suis pas, ça veut dire quoi? Ensuite, tu dis quoi? Certes, je t'appelle, je t'invite, hein, à l'islam. Je t'appelle à l'islam. Soumets-toi, c'est-à-dire l'islam, hein, et tu seras épargné. Regarde un peu. Tu seras épargné. Tu auras ton salut, comme on dit. Et que Allah te donnera ta récompense deux fois, c'est-à-dire celle d'avant l'islam et celle de l'islam. Comme a dit le Nabi sallam dans le hadith, aslamta alama aslafta akhayr. Tu t'es converti sur quoi tu as délaissé comme bien auparavant. C'est-à-dire, tes bonnes actions d'auparavant te sont comptées après. Par contre, si tu te détournes, alors tu auras le péché. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Je pense que le tien et ceux qui seront sous ton joug. Allahu alam. J'ai oublié de voir le ma'ana. Inch'Allah, ça m'as'al. Ensuite, il lui la parole d'Allah dans le sens où il dit « Oh, vous les gens du livre, venez à une parole hein, unique entre nous, que nous n'adorions que Allah seul, sans rien lui associer, et que nous ne prenions pas les uns pour les autres en tant que Seigneur en dehors d'Allah. Et que si vous vous détournez, alors témoignez que nous sommes du nombre des soumis, muslimoun. » Regarde, le verset, ce qu'il veut dire par là. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam emploie ce verset. Pas comme eux disent, on s'assoit autour d'une table, on discute. On s'échange, dis-moi c'est quoi ta religion, je dis c'est quoi la mienne, on se met d'accord sur un point. Non, on se met d'accord sur le tawhid, sur l'islam, c'est tout. On se met d'accord sur l'islam, il n'y aura pas de problème. Donc ces gens-là, hein, ce n'est pas comme ils disent, qu'on appelle être frère, à être, à entretenir des liens amicaux, ce genre de choses, à sympathiser. Là, il n'y a pas de ça. Donc on dit, si telle était leur compréhension de la chose, du ta'amoul, tawasul, marakat badr, c'était quoi? La bataille de Badr, c'était quoi? C'était pas une bataille? Houd, c'était quoi? Guerre? Ou Hunayn, c'était quoi? Khaybar, c'était quoi? Ou le Khandak, c'était quoi? Sans compter ce qu'il y a eu après. C'était quoi? Des batailles. Des batailles. C'était ça le ta'amouk qu'il y avait avec le Prophète entre lui et les mouchidekin. Des batailles. Quand il n'y a pas de bataille, c'était da'wah. Et on prépare pour ce qui va suivre par la suite. Car le but, c'est de propager le tawhid sur terre. Pas de rester dans un coin, il reste ici et on reste entre nous, vous entre vous. Non, on est là, mais on propage en même temps. Vous voyez, on propage en même temps. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il envoyait un émissaire devant les ennemis? Il leur disait quoi? Comme cela est venu dans le Sahih de Muslim, selon Buraïda ibn Husayb, lorsqu'il envoyait une troupe avec un émissaire, il leur recommandait la piété en premier lieu. C'est-à-dire, ses troupes, il les appelait la piété, taqwallah. Ensuite, il leur disait quoi? Urzu bismillah, combattez au nom d'Allah. Wa fi sabilillah, sur la sortie d'Allah. Qatilu man kafara billah, combattez ceux qui mécroient en Allah. Wa la taghlu, n'exagérez pas. Wa la taghdiru, ne trahissez pas, ne trompez pas. Tayyib. Wa la tumathilu, c'est-à-dire, ne prenez pas. Mathilu, c'est le fait de prendre, par exemple, les corps des ennemis. D'accord? Et de les étendre pour montrer ou torturer. Tu ne mutiles pas, tu ne tortures pas. Pour faire peur à l'ennemi. Dire, si on t'attrape, regarde ce qu'on va te faire. Non. Wala taqtulu walidan, ne pas tuer les enfants. Et également les femmes. Et également qui? Qui qu'on ne tue pas également? Les hommes âgés, les personnes âgées. Et les hommes dits religieux chez eux, les rabbins et les prêtres, qui rentrent dans leur église ou dans leur synagogue. On ne les touche pas. Ça, c'est dans un hadith qui est venu. Donc, on va dire Azza wa Jal, « Qatilu alladhina la yu'minuna billah wa la bil yawm al-akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluh wa la yudiduna din al-haq ni alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadim wa musaghirun. » Donc, combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier et qui ne rendent pas illicite ce qu'Allah a rendu illicite ainsi que son messager, et qui ne suivent pas la religion de vérité. Hein? Parmi ceux qui ont eu le livre, jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, l'impôt légal, alors qu'ils sont avilis, rabaissés. Là, on va finir, encore, justement, c'est celui-là, l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Utba, il est venu le voir, il lui a dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya ibn akhi, au fils de mon frère, innaka minna haythu qad alimta min » tu es de nous par lignée, lien de parenté. C'est-à-dire qu'il y a des liens de parenté entre nous. Tu es venu au sein de ton peuple avec une chose immense. Immense. Tu as divisé leur groupe. Et tu as dénigré leur divinité et leur religion. Regarde, comment ils reconnaissent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. وَكَفَرْتَ بِهِمْ مَنْ مَضَى مِنْ أَبَائِهِمْ. Et tu as fait mécroire en ce sur quoi était leur père auparavant. Vous voyez, qu'aujourd'hui, les gens qui t'ont suivi se désavouent et mécroient en ce sur quoi était leur père, leurs ancêtres. فَاسْمَعْ مِنِّي أُعْلِدْ عَلَيْكَ أُمُورًا نَنْذُرُ فِيهَا لَعَلَكَ تَقْبَلْ مِنْهَا بَعْضَهَا. Donc il dit, je te propose des choses. Donc écoute, il se peut que tu en acceptes certaines. Regarde maintenant, qui vient maintenant de tendre la main? Qui vient demander quelque chose? C'est qui? Regarde. Parce que Mohamed Sallam était Aziz devant eux. Même s'il n'avait pas la force, il ne s'est pas abaissé devant eux. Il a toujours été la tête haute. Même s'il n'avait pas la force, pas de concession. Au pire, il se retirait. Et accord de paix entre toi et moi. Mais à aucun moment, il s'est rabaissé devant eux. Jamais. Regarde la preuve. Qu'est-ce qu'il lui a dit? فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع parle يا أبو الوليد أبا الوليد je t'écoute là il y a le débat je t'écoute mais pour à la fin dire ce qu'il a à dire قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا si tu es venu pour avoir de l'argent ce que tu fais là tu fais pour avoir de l'argent on va tout rassembler tu seras le plus riche, on te donne tout. وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِشَرَفًا سَوَدْنَاكَ عَلَيْنَا حَتَّى لَنَكْتَعْ أَمْرًا دُونَكَ si tu veux juste avoir le pouvoir sur nous, alors nous te donnons le pouvoir et nous ne ferons aucune, nous ne prenons aucune décision sans passer par toi. Ou plutôt, si tu veux être parmi les nobles entre nous, être anobli sur nous, hein, parmi les gens que l'on concerte, nous allons te rendre parmi ces gens-là sans pour autant prendre aucune décision sans ne passer par toi. Aucune décision ne sera prise sans passer par toi, sans te concerter. Après, il a dit quoi? C'est là qu'il dit par rapport au mulk. وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا si tu veux un royaume, nous allons te rendre roi sur nous. وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رَيًّا تَرَاهُ لَتَسْتَطِيعُ رَدَّهُ عَنْ نَفْسِكَ طَلَبْنَا لَكَ الطِّبَّ وَبَذَلْنَا فِيهِ أَمْوَالَنَا حَتَّى نُبَرِّئَكَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رَبَّمَا غَرِبَ الْتَابِعَ على رجل حتى يداوى منه او كما قال له donc il dit si jamais c'est une maladie que tu as atteint une maladie de quelque chose nous allons dépenser notre argent pour te guérir dans le sens ce que tu fais on n'en veut plus arrête ce que tu fais tu me fais trop de mal tu vois un peu là c'est qui se rabaisse maintenant là pour dire on est prêt à te mettre à notre tête donner tout l'argent qu'on a te guérir si tu es malade mais ce que tu fais là ce que tu es en train de faire là tu es en train de faire une grande fitna en fait entre ça. Est-ce qu'ils les appellent frères? Regarde, ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils disent arrête, arrête. Pourtant, il est venu qu'avec un message à ce moment-là. Regarde ce qu'ils disent. Taïeb. Tu sais ce que Rodba t'a mis ses paroles. Après, le Prophète a dit tu as fini? Il lui a dit non, écoute de moi. فقال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه donc il a fait quoi? Il a lu. Voyez? Des centres révélations du miséricordieux tout miséricordieux. Un livre dont les versions étaient détaillées. Un Coran en arabe pour un peuple qui sait. Avertisseur et annonciateur, cependant, la plupart d'entre eux se sont détournés et n'écoutent pas. Après, ils continuent à rester. Tu vois un peu la risa? Il a déjà fini de parler? Non, moi je vais parler. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Coran, il lui a dit. Est-ce qu'ils font ça quand ils parlent avec eux? Tu as fini? Vous avez fini? Écoutez-moi maintenant. Et après, il parle. Avec fermeté. Calme, tu vois. Sans fourdre, mais fermeté. Dans le blanc des yeux, te regardent comme ça, et te disent ce qu'il a à te dire. Qui c'est qui arrive à faire ça aujourd'hui? D'abord, tu es devant eux. Tu prends un sloup qu'ils acceptent aussi, tu vois. C'est pas tu viens, tu es dictateur. Mais fermeté. Et le hadith, à plusieurs touloukes, il est hasan. Hafizallahu ta'ala, voit que le hadith, il est hasan. Il n'y a pas de kin. Donc après, on finit avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit Laulan sabbatanaka, quand il quitte ta kunu ilim, shayan qalila, idhan nazakanaka diyafal hayat, wa diyafal mamat, thumma la tajidou laka alayna, nasira. Donc il dit dans le sens, si nous t'avions raffermi, ou raffermi, tu serais certes penché quelque peu auprès d'eux. Et nous t'aurions alors fait goûter le double supplice dans ce bas monde, et dans l'au-delà, et tu n'aurais trouvé sur nous aucun secoureur. وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَرْكُونُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Et ne te penche pas vers ceux qui ont été injustes, car le feu va te toucher, c'est-à-dire tu vas aller en enfer dans le sens. Et tu n'auras pas, vous n'aurez pas plutôt, en dehors d'Allah, d'alliés, ensuite vous ne serez pas secourus. Donc le fait de se pencher vers eux, regarde le résultat. Tu vas en subir un châtiment. Tu mérites en tout cas. Ouais, tu mérites. Et après, se pencher vers eux, ça a des degrés. Ça peut aller jusqu'au kufr, akbar. Donc Allah Ta'ala, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Donc nous a, après il dit dans le sens, il dit nous avons certes mis sur la législation de la chose, alors suis-la, ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas, tamam, car ils ne pourront rien pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes les injustes sont alliés les uns des autres. Et Allah est lui l'allié des pieux. Naam. Donc de là, aujourd'hui, on a pris quoi? Leur sens de tawassul et ta'amul avec les koufars. C'était quoi qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec eux? Jihad et da'wa. Et si c'était zé avec eux, et ça c'est avec eux, c'était pour arriver à la da'wa. Et un accord de paix pour ne pas que les muslimines ne subissent de nuisance. Comme dans le pacte de Hudaybiyah, masalan. Éviter le plus de mal possible. Mais sans faire de Mudahana, concession. Mudahana, concession, ça. Il y a ni mudahana, comme on l'a dit, c'est le fait de laisser les choses de la vérité pour obtenir ton objectif. Pour atteindre ton objectif, tu délaisses des choses de ta religion. Tamam? Naam. Failahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'a tahiyati dammaj afaf.com.